c'est Monsieur Jama. Laisse-moi t'accorder toute mon attention. Donne-moi ton cœur, j'en ai besoin. Monde est méchant, donc attention. Tu sais que solide son miracle. Faut pas stopper son ascension. Elle ramène la plus belle saison. Elle aime que les mauvais garçons. Mais de entre deux tentations. Elle met la pression quand elle débat. Les meufs d'à côté sont en pétard. Elle se fait même serrer par des nanas. C'est elle que mon cœur a choisi. Si tu me veux, mamacita, je suis pas loin de chez toi. T'as mon hume, donc écris-moi. Je suis sans pika, pika, pika. Quand elle vient vers moi, vers moi. Éteint, donc toi c'est Jika, Jika. Je peux t'implanter quand elle bouge comme ça. Je suis sans pika, pika, pika. Quand elle vient vers moi, vers moi. Éteint, donc toi c'est Jika, Jika. Je peux t'implanter quand elle bouge comme ça. Timothée, l'été peut commencer maintenant que t'es là. Prends ma main, accroche-toi. À nous deux, on marque le pas. Elle est bonne comme ça. Chérie est trop dans les trucs comme ça. Bolingo est grave dans ça. Elle aime trop les caméras, trop dans ça. Si tu me veux, mamacita, je suis pas loin de chez toi. T'as mon hume, donc écris-moi. Je suis sans pika, pika, pika. Quand t'es viens vers moi. C'est Jika, Jika. Je peux t'implanter quand elle bouge comme ça. Je suis sans pika, pika, pika. Quand elle vient vers moi, t'es dans tout toi. C'est Jika, Jika. Je peux t'implanter quand elle bouge comme ça. Pika, pika, quand elle vient vers moi.